se plongent jusqu'aux montagnes leurs cimes, et bien au-delà, vers ta vie. Arpentant les champs magnétiques et les routes de nos sentiments, carrefour de nos vies, il y a quelque part là-bas un adolescent qui m'aime, qui peut encore m'étonner par son sourire, sa beauté cachée. Oui, quelque part c'est toi, l'absent qui m'attend, en dépit de nous, car la vraie liberté c'est d'aimer. Dans un même écho nos voix, dans un même sangle nos cœurs, dans un même espace nos vies, dans la chaleur d'une même nuit. Je l'ai aimé dans le vent, c'est un mot fantastique. Tous nos corps débrisants et des lames vertigineuses. Quelque part là-bas, c'est toi qui m'as vu. Si je n'ai encore pu te parler, alors ma voix veut te crier. Quelque part là-bas, c'est toi que j'entends me parler. Je l'ai aimé dans le vent, cet amour fantastique, sous nos corps de brisant, des lames vertigineuses, des flammes écrasées. Soudure-moi incessant et puis l'ivresse des neiges quand le froid nous apaise enfin. Quelque part là-bas, c'est toi que j'entends me parler. Mon cœur va vous se donner. Les sentiments fleurs de peau et pour me convaincre de t'aimer.